Oui, de la calapron, mon pote. Il y a une profonde souffrance en vous et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Qu'y a-t-il dans la société qui vous répugne autant? Dites-moi. Ça vient du fait que tous nos héros semblent être des imposteurs. Et le monde lui-même, un énorme canular. On se spam les uns les autres avec un tas d'opinions minables qui voudraient se faire passer pour de vraies idées. Avec des réseaux sociaux qui simulent l'intimité. On préfère vivre sous sédatif parce que ça fait mal d'affronter le monde tel qu'il est, parce qu'au fond, on est tous des lâches. Je l'emmerde, la société. Mesdames, messieurs, installez-vous, je vais vous présenter ma synthèse. J'ai 30 années passées, on me disait que je passerais pas la vingtaine. Je suis né d'une mère au foyer et puis d'un père d'au cœur. Ma place est dans le rap, je ne compte pas encore finir au cœur. Assis devant ma porte, explorer la vie des grands. Sacile, ça braque des gens, je me dis putain, c'est ça la vie des gangs. Des années passent, on fera la même queue. J'ai vu des femmes en file indienne pour de la cam, sucer la même queue. J'ai fait le tour de ma ville, Boulogne-sur-Mer, son premier port de pêche, ses bâtiments et puis sa forteresse. Bienvenue chez les patois, parents sous sédatifs, leur fils rentre au tabac avec un flingue caché dans l'élastique. Du shit dans les ASICS, en pleine virée avec ses potes dans un RS, en te disant que Paris c'est magique. Tous les bandits s'abritent d'un AK-47, j'préfère rouler ma bosse avec le son d'un mic à 40 cents. Avec le mic, l'ami. Bipolero, c'est ça, c'est toujours pour ceux qui m'aillent. J'ai rôdé toute la nuit avec un KTM, tu l'avais. La misère, la violence, la drogue, frérot, c'est tout ce qu'on avait. Et ouais, mon gars, c'est Boulogne, et les deux refont boulot. Et quand t'arrives, sors du placard, on pète une théo boulot. J'ai rôdé toute la nuit avec un KTM, tu l'avais. La misère, la violence, la drogue, frérot, c'est tout ce qu'on avait. Et ouais, mon gars, c'est Boulogne, et les deux refont boulot. Et quand t'arrives, sors du placard, on pète une théo boulot.